Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, on aura Marco Bernard et Kimo Porsti. Ça, c'est un groupe multinational. En fait, c'est une version du groupe de Samurai of Prague. Alors ça va peupler le premier bloc comme album de la semaine. On aura aussi au deuxième bloc un bloc consacré complètement aux artistes italiens avec quatre extraits du festival qu'il y a eu en Italie en 2011. Ça s'appelle Prog Exhibition. Ça, c'est la compilation, le coffret de 7 disques. Alors, j'ai quatre groupes que je nommerai tantôt. On a aussi Small Tape d'Allemagne, Stuart Clark d'Angleterre, c'est une nouveauté. Tiny Fish aussi une nouveauté. Ça, c'est aussi d'Angleterre. Et on va conclure l'émission avec un petit retour dans le passé avec Slush, qui est un groupe québécois. Et on aura aussi Dion et Bréjean. Et on va conclure avec un groupe américain du nom de Faint Signal. Alors, on débute le premier bloc de l'émission avec l'album de Samurai of Prague. En fait, habituellement, Samurai of Prague, c'est trois musiciens, Marco Bernard, Kimo Porsti et Steve Unruh. Mais pour l'occasion de ce nouveau titre, Gulliver, eh bien, Steve Unruh n'apparaît pas, n'est pas crédité comme le musicien principal. Il fait partie des 20 quelques musiciens invités. Il y en a, entre autres, c'est des musiciens professionnels de calibre. Je nomme seulement Lucas Kerani, qui est le claviériste de la Cosienza des Zénos et qu'on a vu aussi avec Os Sonaten. Alors, c'est un album qui comprend 6 pièces et quand même 62 minutes de musique. Je rappelle encore une fois que le nom de l'album, c'est Gulliver, ceux qui ont connu ce géant parmi les Lilliputiens. Alors, c'est un album concept. Et il y a, comme je le mentionnais, 6 pièces pour 62 minutes. Et moi, je vous propose deux extraits, The Giants et Lilliput Suite. Thank you. Grandeur of majesty, worthy of a great king's plan. from a fairy tale. Hidden by prosperity, there are two great threats to threaten the emperor. sails away over my dignity. My pride and my own mistake. I will not betray. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le duo de musiciens Marco Bernard et Kimo Porti. Ce sont deux musiciens de la formation de Samurai of Prague qui ont sorti un album concept. C'est Gulliver. Gulliver, le même Gulliver qui était le géant chez les Lilliputiens. Alors, cet album concept contient 6 chansons pour 62 minutes. Et les deux pièces que vous avez entendues, c'est Lilliput Suite et The Giants. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, les 5 et 6 novembre 2010, il y avait un événement à Rome, en Italie, pour souligner les 40 ans du rock progressif italien. Et puis, pour l'occasion, il y a eu 12 groupes italiens qui ont été accompagnés de plusieurs musiciens de renommée internationale. Ils ont été jumelés. Par exemple, on a eu Ian Anderson de Jethro Tull qui a joué avec Premiata Forneria Marconi. On a eu aussi John Wetton de King Crimson et aussi de UK à l'époque qui, lui, s'est joint à Banco del Mutuoso Corso. On a eu 2-3 musiciens de Léormé qui ont joué avec David Cross, le violoniste de King Crimson. On a aussi la Belletto di Bonzo qui s'est adjoint les services de David Jackson, le saxophoniste de Van der Graaf Generator. Alors, une belle brochette de musiciens. Et on a aussi Osana, puis un autre groupe, la Nuova Raccomandata Ricevuta di Ritorno, qui, eux, se sont adjoints les services de Dish Van Leer de Focus. Et en plus de ces 7 groupes-là, mais il y a eu Synesthesia, la Maschera di Chera, il y a eu Periferia del Mondo, The Trip, et Abash. Alors, tout ce beau monde-là ont été réunis pour l'occasion et il en est sorti un coffret de 7 CD et 4 DVD. Alors, c'est paru en 2011, donc un an après l'événement. Et aujourd'hui, pour remémorer ça, j'ai 4 extraits de ce coffret-là. On aura le groupe Abash et la pièce Orantro 14. On aura Aldo Tagliapietra et la Porta Chiusa. J'ai le groupe aussi Nuovo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno et la pièce L'Uomo Nuovo. Et on va conclure avec Banco del Mutuo Soccorso et la pièce RIP. Thank you.

scroscio d'acqua sotto il tunnel del metrò. C'era solo quel rumore. Ero attento e guardai, ma non riuscii a comprendere l'origine di quel rumore. Scroscio d'acqua sotto il tunnel del metrò. C'era solo quel rumore. Il tunnel mi metteva a disagio e fu un piacere. Scendere scrosciava sotto il tunnel di quel metrò. Passava il tempo e più sensi si affinavano. Non aveva più paura mai, i sensi lo volevano. Era come un uomo nuovo che contava su di sé, una nuova conoscenza. La portava dentro sé. vecchio soldato. Si è seduto il vento, il tuo sguardo è rimasto appeso al cielo, negli occhi c'è il sole, nel petto ti resta un pugnale. Non scaglierai mai più la tua lancia per ferire l'orizzonte, per spingerti al di là, per scoprire ciò che solo il Dio sa. Jimmy Farley. Alors, ce qu'on a entendu avant la pause, c'était quatre groupes italiens tirés du coffret Forti Anni di Musica Immaginifica. Et ça, c'est 7 CD et 4 DVD. C'est une compilation d'un spectacle, un enregistrement de spectacle. Je vous rappelle, 7 CD, 4 DVD, 12 groupes de rock progressif italien accompagnés de musiciens de renommée internationale, dont Ian Anderson, Dish Van Leer, David Jackson et beaucoup d'autres. Alors, ce nouveau bloc, bien, on va aller du côté de l'Allemagne avec un groupe. En fait, c'est un multi-instrumentiste allemand du nom, ben, lui, il opère sous le nom de Small Tape. C'est un musicien qui a déjà deux albums, le premier en 2011 et celui qu'on va entendre, il est paru en 2017, c'est The Ocean et on va entendre la pièce The Diver. On a aussi un nouveau venu sur le côté britannique, c'est Stuart Clark, le premier album qui s'intitule And Then There Was Me. Je ne sais pas si c'est une allusion à l'album de Genesis, And Then There Was Three. Anyway, ça c'est la pièce A Drive to the Ocean qu'on va entendre. Et on va conclure avec Tiny Fish, un autre groupe britannique qui cette fois-ci est assez quand même, pas nécessairement prolifique. Là. Il existe depuis 13 ans avec 4 albums studio, un à tous les 3 ans. Et celui qu'on va entendre, c'est celui de dernier, paru en 2019, Secret Eve et la pièce Nation. Alors, on débute avec Small Tape d'Allemagne. Sitting here, I watch myself drifting, carried by the waves you hear at night. All around me, the world was roaring, but down there, I was sure it would be quiet, so quiet. I see the water rise, it comes and goes. It flows and turns from glass to arctic ice and then to snow. Thank you. sitting here, I watch myself sinking and growing dark. My body seemed to fly. I felt the heaviness of years escaping from my lungs. This was when I tried my only dive. I see the water rise, it fights the time. It beats and bashes, flies high and crashes, collapses in white, retreats and grows to fight again. Thank you. let's move down to the coast now. And we'll live by the sea. The sand beneath our feet. It's just where we would want to be. The sun is on the rise now. So finish up your tea. Just grab your coat and go. There is beauty there to see. Let's move down to the coast now. And we'll live by the sea. The sand beneath our feet. It's just where we would want to be. We're driving to the coast now. Arriving at the sea. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la formation britannique Tiny Fish et la pièce Nation tirée de Secret Eve. Ça, c'est paru en 2019 et ça a été précédé d'une autre formation britannique, en fait un musicien. Il s'agit de Stuart Clark et la pièce que j'ai tirée de l'album And There There Was Me, c'est la pièce A Drive to the Ocean. Et en début de bloc, on avait Small Tape. Et la pièce « The Diver » tirée de l'album « The Ocean », ça, c'est paru en 2017. Après la pause, on va faire un tour. En fait, on va rester au Québec. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au dernier bloc de l'émission et, comme je le mentionnais avant la pause, on reste du côté du Québec, mais on fait un retour en arrière de 44 ans et on va entendre deux formations québécoises. La première, c'est Slush. Slush qui a produit deux albums mythiques, là, si on peut appeler ça comme ça. C'est le premier, c'est J'ai un œil, paru en 1975, et l'autre, c'est Stadacone. Alors, je vous invite à vous procurer ces deux albums-là parce que ce sont vraiment des classiques du rock progressif québécois et on va les écouter en attendant que je fasse une émission spéciale sur le rock progressif québécois. Ça s'en vient dans quelques semaines. Et j'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que la semaine prochaine, on aura une émission spéciale consacrée au rock progressif espagnol. C'est dans la même lignée que le spécial que j'ai fait sur la Finlande il y a quelques semaines. Et la Turquie aussi, il y a quelques mois. Et il y a quelques années, ça a été le tour des Italiens avec trois émissions spéciales. Alors, je ferme la parenthèse et je vais tout de suite au deuxième groupe là, des années 70. C'est Dionne et Bréjean. En fait, il s'agit de Vincent Dionne et Michel-Georges Bréjean, des musiciens qui ont produit eux aussi deux albums. Deux sous le nom de Dionne et Bréjean, puis Bréjean en a fait un, lui, seul. Alors, les deux albums de Dionne et Bréjean, c'est en 76 et Le Troisième Jour, et l'année d'après, c'est Deux. Et c'est extrait de cet album-là que je vous propose la pièce Transit Express. J'ai oublié de mentionner tantôt que la pièce de Slush qu'on va entendre, c'est la pièce-titre de l'album Stadacone. Et on va conclure le bloc, c'est-à-dire avec un groupe américain du nom de Faint Signal. C'est deux albums, c'est un groupe assez récent, là, des années 2013 et 2018, en fait, les deux albums. Et le deuxième, c'est Formula. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Robbed in Tradition. Alors, on y va tout de suite avec Slush. We'll be right back. Alors, c'était Faint Signal, formation américaine, et la pièce Robbed in Tradition, tirée de l'album Formula. Et ça a été précédé du groupe québécois Vincent Dionne et Michel-Georges Bréjean. Et la pièce Transit Express, ça, c'est tiré de l'album 2, paru en 1976. Et en début de bloc, on avait Slush et la pièce titre de l'album Stadacone. Ça aussi, c'est paru dans les années 70. Je pense que c'est 1976. Alors ça, ça met fin à la programmation musicale. Et je vous rappelle que c'est la 244e émission de Rock de Neurone. Ça, c'est depuis le 18 février 2013. Alors, on débute notre 8e année. Et je vous invite à continuer parce qu'il y en aura probablement 8 autres années si le rock progressif tient la route. Parce que j'aime beaucoup présenter des nouveautés. Et je dois dire que je suis encore surpris de voir qu'il y a 3 à 4 groupes par jour qui émergent, des nouveaux groupes qui émergent à raison de presque 80 groupes par mois. Alors ça, c'est récurrent depuis 4 ans. Alors, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de matin de 10h à midi et les mardis midi de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez aller du côté de podcast, eh bien, sur Internet, à partir du site SoundCloud, en tapant dans la barre de recherche « Rock de neurones », eh bien, vous allez accéder à l'émission courante de la semaine. Et si vous voulez écouter des choses archivées, eh bien, il y a archive.org là, qui vous propose 100, en tout cas, plus que 150 émissions. Ça remonte jusqu'en 2014. Et je vous invite aussi à consulter la page Facebook de l'émission. Ça, ça va vous aider à retracer les pièces, le titre des pièces, le nom des artistes, le titre des albums aussi, la provenance géographique des artistes, et ainsi que la durée des chansons. Alors, tout ça sur la page Facebook. Et aussi sur la page Facebook, eh bien, il y a des liens qui vous amènent à des émissions spéciales, comme notamment celle de la Finlande là, que j'ai concoctée il y a quelques semaines. Il y a aussi une émission spéciale sur la Turquie. Et il y a 3 émissions spéciales sur le rock progressif italien. Et en plus de ça, vous avez aussi, gracieuseté de Rock de Neurone, une série de palmarès, notamment le palmarès du rock progressif québécois, le rock progressif italien et aussi les 100 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. C'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour de la musique progressive.